Exercice 7. A. Tu as attendu hier soir? B. Naïl a écrit une histoire. C. Ce thé est importé de Chine. D. J'en ai publié un aussi. E. Qui est arrivé aujourd'hui ?